Radio.com. Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Arte Radio. Arte Radio.com. La mécanique des ondes. Arte Radio.com. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Il aura fallu 42 épisodes, Arnaud, mon cher réalisateur, pour que tu hackes ce générique. Mais bon, tu vois, il aurait fallu 42 épisodes, mais au final, ça rend quand même pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Vous l'avez compris, c'est le 42e épisode. C'est aussi le dernier de la saison 2017, donc oui, à un moment, on pète un petit peu un plomb, on a envie de faire d'autres choses. Nous allons passer, par contre, comme d'habitude, trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Et pour bien aborder l'été, pour vous donner des idées de quoi écouter sur la plage, pourquoi pas, nous allons parler histoire personnelle, reportage, ambiance et documentaire sonore sur une plateforme et non une radio qui émet depuis 2002 sur Internet et aussi sur vos smartphones. Vous l'avez donc remarqué, ce générique a été quelque peu piraté et on va parler d'Arte Radio avec son cofondateur et responsable éditorial. Bonjour Sylvain Gir. Bonjour Cécile. Vous avez bien aimé le générique, ça vous a plu ? Beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup cette chanson de Katonoma. J'aime en général les chansons dans lesquelles il y a le mot radio et j'ai bien aimé le hacking. Merci Arnaud. Sylvain Gir, première question habituelle dans cette émission. Vous êtes au micro d'une radio associative, alors j'ai envie de savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Bien sûr, Radio Bellevue à Lyon au début des années 80. Extraordinaire programmation musicale qui allait de la soul de James Brown à la dépression post-punk de Joy Division, en passant par quelques émissions élaborées, des fantaisies nocturnes. Très très bonne programmation musicale. Ils renaissent sur le web, en tout cas, je crois, sous le nom de Radio Bellevue Web. Comment vous y êtes arrivé à cette radio ? C'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, de faire de la radio ? On m'a toujours dit que j'étais fait pour ça, parce que je crois que j'ai le physique, d'une part. Donc j'ai un vrai physique de radio, ça aide. Et puis, j'ai la parole facile, il faut me couper le micro, faudra pas hésiter. Et j'y suis arrivé parce que j'ai été interviewé. Alors j'étais donc à Paris, je suis lyonnais à la base, c'est là où il y avait Radio Bellevue, et puis je suis monté à Paris, puis j'ai fait poète maudit, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai vendu des parapluies et des cuisines, et je suis parti à Berlin avec ma petite amie de l'époque, en 88 et 89, et j'ai beaucoup aimé Berlin, l'ambiance, et en rentrant, il y a une amie qui travaillait pour France Culture, et qui m'a interviewé. Donc pendant 2 minutes, je parle de Berlin, de Kreuzberg, voilà, des milieux punk, et ça a beaucoup plu, puisque Francesca Piolo, qui animait l'émission cet été-là sur France Culture, m'appelle et me propose de faire des piges. Et puis je fais une ou deux petites piges d'une minute, donc c'est mon premier travail, on va dire, sérieux, journalistique. Vous aviez quel âge ? J'avais déjà 25, plus de 25 ans, 26 ans. Et elle me présente à Gérard Gromaire, qui s'occupait des chemins de la connaissance. Et elle me dit, il faut absolument que tu présentes des projets à Gérard. Donc je reviens à Radio France, j'ai une petite liste de projets. Et puis Gérard m'en prend un ou deux. Et puis il me dit, va voir les Nus Magnétiques. Donc je vais voir Alain Weinstein aux Nus Magnétiques, qui me prend aussi un projet. Et comme ça, en 90, je rentre du coup par la grande porte à France Culture. Plusieurs projets, donc en gros des places et de la place sur les grilles de France Culture, en fait, dès le départ. Ce qui est extraordinaire à France Culture, et ce que j'essaye de conserver maintenant que je m'occupe d'Arte Radio, c'est que c'est quand même ouvert, la radio reste un média ouvert à tous et toutes, c'est-à-dire avec une bonne idée, un bon projet. Alors, je sais pas si c'est toujours vrai ou non, mais si, chaque année, il y a des gens qui n'ont jamais rien fait et qui débutent, d'abord parce qu'on est accompagné d'un réalisateur, donc c'est quand même une garantie de qualité, et puis parce qu'il faut renouveler, et parce qu'il faut faire la place à des jeunes voix, à des jeunes écritures. Donc moi, j'ai des projets complètement farfelus, aussi bien sur la musique industrielle que l'image et la mémoire. Enfin, je mélange tout et n'importe quoi. Mes premières émissions sont absolument inécoutables et scandaleuses. Mais bon, Je fais mon trou. Jean Lebrun me fait confiance. Il accepte une série d'été, ce qui est quand même assez curieux. Donc je me retrouve tout l'été 91 chaque matin sur Culture Matin. Jean Lebrun, c'est mon papa, mon parrain radio, quoi. Vous découvrez quand même la machine Radio France, même si vous connaissiez la radio par ailleurs, comment ça se passe, etc. Vous découvrez ça comment vous... C'est une Rolls pour moi. Franchement, c'est des années merveilleuses. Radio France, il y a une mentalité très particulière. Les gens, je ne sais pas pourquoi, souffrent, ou en tout cas disent qu'ils souffrent. Donc c'est quand même un peu le bureau des pleurs en permanence. Et déjà, moi, quand j'étais en 90, on me disait tout est foutu, ma brave dame, c'était mieux avant. Les mêmes que je revois maintenant disent, ah, 90, c'était l'âge d'or. Enfin bon, ils sont par définition jamais contents. Après, effectivement, il y a peut-être des questions de management, il y aurait peut-être des choses à revoir. Mais c'est pas à moi de le dire, ils s'en chargent très bien tout seuls. Par contre, c'est une Rolls. Enfin, pour moi, c'est une fierté. Je ne suis jamais rentré dans cette maison autrement qu'en chantant. Je veux dire, vous arrivez dans cette maison, c'est la Rolls, quoi. Vous avez des moyens. Bon, il y en a jamais assez, ok, mais quand même, vous êtes là, vous êtes face à un micro. De l'autre côté de la vitre, il y a un chargé de réalisation, il y a un assistant, il y a un mixeur, il y a une stagiaire. Vous avez des feuilles de papier, vous allez à la discothèque, il y a des dizaines de milliers. Enfin, il y a quand même des moyens, il y a une qualité, il y a un amour du travail bien fait, il y a un artisanat. Enfin, c'est une formation accélérée, quoi. Alors, mais les gens, je sais pas pourquoi, ont une espèce de ressentiment souvent, mais pour l'auditeur, les auditeurs ne s'y trompent pas de toute façon. Il y a quand même une qualité du service public radiophonique en France qui est exceptionnelle. Complètement. Franchement, je sais qu'on aime bien constamment râler, dire ah non, c'est pas France Inter, ça devient non, c'est pas vrai, ça devient pas commercial, c'est faux quoi. Ce que je dis, les gens là-dessus est faux. C'est pas vrai que ça se devient commercial. Enfin, vous écoutez l'été, on va vous parler de Marguerite Duras à 20h pendant 2h, on va vous parler de Stéphane Zweig. Il y a quand même une hauteur de vue. On prend pas les gens pour des imbéciles. On tire les gens vers le haut. On ne cherche pas le plus petit dénominateur commun. On n'est pas dans la bassesse de vue, de jugement, d'humour. Bon, voilà. Donc, moi, je suis un grand amoureux de cette maison. Même si j'en connais certains travers, c'est 4 années à Radio France. 4 années, effectivement, précaires, mal payées, tout ce qu'on veut. D'accord. Il n'empêche que j'ai pu faire des émissions sur Morrissey, sur Nick Drake, sur Kraftwerk, je faisais pas mal de musique à l'époque, mais aussi on pouvait parler philo. Fait des émissions sur le paradis, alors que c'est un concept dont j'ignore tout, mais voilà. Alors après, justement, cet été 91, alors vous dites que vous y avez effectivement passé 4 ans. Après ces matinales de l'été 91, on vous fait réembrayer sur la grille de l'année? Non, mais pas assez. J'étais ce qu'on appelle producteur délégué, producteur tournant, hein, ce que nous, Arte Radio, on appelle ça les auteurs, Radio France, on appelle ça les producteurs. Ça veut dire auteur, en fait. Vous proposez le concept de l'émission, mais ce sont des émissions qui s'inscrivent à l'intérieur d'une grille. Donc vous faites un chemin de la connaissance, une humagnétique, à l'époque Coda, bon, maintenant ça va apporter d'autres noms. Donc voilà, je proposais des sujets, puis quand ils étaient acceptés, ensuite on vous rappelle et vous avez un chargé de réalisation, vous avez les moyens de... Bon, vous y passez 3 fois plus de temps que le temps pour lequel vous êtes payé, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'amour du travail bien fait. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, mais ça restait très précaire. Je crois que je gagnais 2000 francs par mois et je les donnais à la psy à la fin du mois. Donc c'était le loyer ou la psy et j'avais décidé de payer la psy. Un mois sur deux, ça changeait. Voilà. Au bout de 4 ans, qu'est-ce qui se passe, Sylvain Gérard, à France Culture? Ce qui se passe, c'est que on me propose un boulot à Arte, mais là, un boulot en CDI. Un vrai travail avec un salaire. C'est le premier de ma vie. J'ai 30 ans et j'accepte le boulot à Arte. Donc, j'arrête de faire de la radio et je travaille à Arte au service de la communication. Et puis, je décide de passer à 3/4 temps, parce que je suis très bien payé à Arte, contrairement à Radio France. Et du coup, j'écris un livre qui paraît en avril 2002, qui s'appelle Johnny est mort, qui est un recueil de nouvelles. Donc ça, c'était le but de ma vie, c'est ce pourquoi j'étais venu sur cette terre, c'était pour écrire un livre, donc je suis assez content. Mais, dans le même temps, Jérôme Clément, le président d'Arte, a l'idée bizarre que Arte se dote d'une radio et d'une radio web, une radio sur Internet. Alors, on est en 2002. Internet, on est à ses balbutiements, en tout cas pour le grand public. Et on me propose le poste de responsable de la future radio web. Et là, j'hésite parce que moi, j'aimerais bien rester à 3/4 temps pour écrire d'autres livres. Et en même temps, je me dis, c'est une chance qui se produit qu'une fois dans la vie. Parce que chacun sait que d'être à l'origine, quand on est à l'origine d'un projet, qu'on en soit le responsable ou pas, c'est toujours captivant de lancer un journal, lancer une radio, lancer une boulangerie, hein. C'est toujours chouette d'être au début. Oui, c'est un projet. Voilà. Du coup, je dis OK et je fonde Arte Radio en 2002. Et c'est le moment de la première pause musicale, Sylvain Gire. Alors, vous avez choisi quoi ? Eh bien, je vais faire quelque chose de tout à fait copinage et dégoûtant. Arte Radio, il y a deux réalisateurs sonores. L'un d'eux s'appelle Samuel Hirsch. Il est réalisateur sonore à mi-temps. Et pendant son autre mi-temps, il joue dans un groupe de musique éthiopienne, comme il y en a beaucoup. Mais c'est un très chouette groupe qui mélange la tradition de la musique éthiopienne des années 70 avec des influences plus groove. Et donc le groupe s'appelle Arat Kilo. C'est un groupe qui fait beaucoup parler de lui. On va donc écouter un titre d'Arat Kilo. Yeah. Little B star. Shout out to the Addis Abbas, y'all. Good plan. But this is for her. I was seated, my hydroponic drop. That's what popping on the ceiling top. Go ahead and tell a lot, it wasn't Demerol. The cougars, they be clawing like the end of millennia. I'm fit to get my seat to those who've been feeling me. If someone needs a rest, well, I'm not the one to be beneath, unless it's the petticoat. I'm here just to raise a toast to all of them on fleek. It don't matter, they young or old. Et Nardo Stesfo, c'est le titre qui s'appelle Lancinant. Vous êtes toujours avec Sylvain Gire dans la mécanique des ondes, la dernière de cette saison 2016-2017. Sylvain Gire, on vous a laissé juste avant la pause musicale en 2002. Jérôme Clément vous demande donc d'être responsable éditorial de cette nouvelle radio qui va s'appeler Arte Radio. Vous y réfléchissez quand même avant de dire oui. Non, je voudrais continuer. Non, je réfléchis pas, franchement. Au départ, je voulais pas parce que je voulais continuer à écrire d'autres livres. Du coup, j'en ai plus écrit, mais j'ai fait Arte Radio et voilà, tant pis. Vous êtes passé, vous avez retrouvé le son plutôt que l'écriture. C'est la même chose, tout est affaire d'écriture. Qu'on fasse du montage ou de la radio, du cinéma, il y a toujours une forme d'écriture. Est-ce que Jérôme Clément vous donne une espèce de... une espèce de feuille de route. Aïe. Ok, c'était la question qu'il ne fallait pas poser. Disons, voilà, bon, c'est la France culturelle, donc il n'y a pas vraiment de feuille de route. Disons que l'idée, à l'époque, toutes les structures, tous les médias considèrent le web comme l'opportunité de ce qu'on appelle prolonger et enrichir. Donc leur idée, c'est on fait un journal, on fait une chaîne de télé, on fait une radio, et sur le web, on va donner du bonus aux auditeurs. C'est-à-dire qu'on considère pas du tout que le web peut être un lieu de création et d'expression. C'est ça l'erreur, mais on en est revenu. Donc du coup, Arte commet comme tout le monde. Donc en gros, Arte me dit, il y a des programmes à l'antenne, il y a des soirées thématiques, ensuite il y aura un gros dossier sur le site web, et ensuite il y aura un débat à la radio. L'idée étant que les gens s'enquillent les 4 heures de soirée thématique, les 30 pages du dossier web, et ensuite une heure de débat à la radio. Bon, alors là, c'est là où on vit... dans un pays formidable et avec une chaîne formidable qui s'appelle Arte, c'est que moi je mets tout ça à la corbeille et je fais exactement le contraire. Donc j'ai fait tout à fait le contraire de ce qu'on me demandait et on m'a laissé le faire. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui fait quand même de ce projet quelque chose d'assez exceptionnel dans le paysage, c'est que moi je fais tout le contraire. Donc il n'y a pas Saint-Germain-des-Prés, il n'y a pas d'auteur connu, il n'y a pas la ronde des gens qui viennent de publier un livre ou de faire un film. Je ne fais travailler que des gens jeunes ou moins jeunes, mais que des gens, des auteurs, et qui viennent pour s'exprimer avec les sons, qui viennent pour faire de la radio. Donc je fais une radio de création et pas une radio de culture, pas une radio de patrimoine, pas une radio d'archives, pas une radio qui parle d'autre chose que de ce qu'elle fait. Donc on fait pas de reportage sur un spectacle ou un livre, ou voilà. Le reportage, c'est l'œuvre. Votre ligne éditoriale au départ, vous me dites si évidemment je me trompe, c'était plus des témoignages, on va dire, des histoires personnelles. Non, elle est encore plus... Elle n'a guère varié. Alors soit c'est un signe d'obstination dans l'erreur, soit c'est un signe de conviction, mais la ligne éditoriale, c'est écouter le monde et les vies qu'on y mène. C'est-à-dire, c'est donner les moyens à des gens, encore une fois, jeunes ou moins jeunes, mais il se trouve qu'ils sont plutôt jeunes, donner les moyens techniques et artistiques de raconter, pas forcément leur vie, ça peut être la vie des autres. C'est tendre son micro à ce qui se passe et à ce qui se dit. Et ce qui se dit peut aussi bien être dit par une fontaine, par du vent dans les arbres, par un cacatoès au Costa Rica, que par une femme de ménage ou un artiste sonore. Voilà. Et de plus en plus maintenant, à l'heure du podcast et du triomphe du podcast, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires personnelles. Au départ, on interdit à l'auteur de prendre la parole. Enfin, très peu. Il y a Perrine Kervran, qui est maintenant, qui fait LSD sur France Culture, qui fait son journal de jeune mère, qui s'appelle Mon Bébé, voilà, donc elle parle. Mais j'interdis la voix du journaliste. On ne fait que des documentaires no comment, en gros. Ça, c'est vrai, c'est un peu radical, mais c'est un peu comme Striptease. C'est très proche de Striptease, et on nous en parle souvent, et c'est une émission que j'aime beaucoup. Au début, vous allez les chercher comment, les auteurs ? Et où ils se pointent. Il y en a quelques-uns. Alors, je suis pas tout seul. Hein. Au début, je cofonde Arte Radio et Christophe Roux, qui est un jeune ingénieur du son, qui a 22 ans, et il sort d'une école d'audiovisuel. Et il adore la radio, il adore le son, il adore France Culture. Ce qui est rare à 22 ans en 2002. Donc, on se rend compte... Franchement, on a élaboré le concept qui n'a guère bougé depuis. Les contenus ont bougé, mais le concept de base n'a pas bougé. On a élaboré ça en 10 minutes. Debout, dans un bureau qui servait de stockage à des feuilles de papier, au premier étage d'Arte France. Donc on est tous les deux. Lui, il me dit, moi j'aime le son, j'aime la qualité du son, donc il faudra qu'on joue la qualité. Moi, je lui dis, ok, super. Il me dit, j'aime Yann Parentehen, grand auteur de radio de France Culture des années 70-80. Je lui dis, moi aussi, j'ai même eu la chance de le rencontrer. Moi, je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire, des formats courts et longs? On va faire sans format, parce qu'on est sur le web, donc il n'y a pas de grille, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'émission. Donc c'est idiot de faire des formats, très bien. Et puis je lui dis, on va faire travailler des jeunes gens. Il me dit, moi j'ai des copains qui sortent de l'école. Donc au début, c'est beaucoup les copains de Christophe qui sortent de l'école, qui ont donc 22 ans. Et puis, je sais pas, c'est des stagiaires qu'on a repérés, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui font de la radio à Radio France. Et puis, très vite, c'est des gens qui surgissent. Thomas Baumgartner surgit, Marie Surel, il y a des gens qui arrivent comme ça, ils se pointent, ils envoient un mail, et c'est toujours comme ça que ça marche. Les gens m'envoient un mail et je me détermine par rapport au projet qu'ils me soumettent. Comment, au début, vous gérez avec l'outil Internet, qui est, comme vous le disiez, balbutiant, hein, en 2002, justement, il va falloir gérer avec tout le côté informatique. Oui, alors c'est d'autant plus que j'y connais rien. Moi, j'ai déjà 38 ans à l'époque, donc je suis un vieillard, je ne vais pas sur Internet. Déjà, à l'époque, on n'a pas de haut débit chez soi. Le haut débit est uniquement au bureau. C'est du 56K à la maison. Voilà. Et donc, comme il n'y a que le haut débit au bureau, la première chose que je fais, c'est de faire imprimer des cartes postales qui portent le slogan « Écoute Arte Radio, c'est ton patron qui paye ». Donc déjà, ça commence bien. Et Christophe, qui est donc un amoureux du son, il dit, ben, de toute façon, avec ce qu'on peut avoir en termes de qualité sonore, il vaut mieux faire de la mono. Donc ce qui est quand même très drôle, c'est qu'on est parti sur la qualité du son, mais on démarre en mono. Parce qu'il dit, il vaut mieux qu'on ait une bonne mono plutôt qu'une mauvaise stéréo. Il vaut mieux une mono à 120 kilobits qu'une stéréo à 2 fois 60. Donc on démarre en mono, ce qui est assez drôle. On fait attention à la compression. C'est-à-dire qu'on sait déjà que le MP3, c'est... qui est le format de compression utilisé désormais pour la musique qui circule sur Internet et tout. C'est pas un format fantastique, on est tous d'accord là-dessus. Mais ça dépend de la manière dont on le travaille. Et donc, dès le début, on surveille ce qu'on appelle l'encodage, la façon justement de traiter le MP3. Et donc, le MP3, c'est une compression, forcément, par définition. Mais par contre, on compresse très peu au mixage. Et encore maintenant, Arte Radio compresse beaucoup moins que France Culture ou France Inter, par exemple. Donc, bizarrement, la qualité du son sur Internet peut être meilleure que celle qu'elle est en FM, ce que peu de gens savent. Parce que en FM, on compresse, c'est-à-dire qu'on écrase ce qui est trop bas ou trop haut, donc pour que la qualité soit, que le son soit assez fort en voiture. Et comme à Arte Radio, dès le début, on est fasciné par le pouvoir d'émotion de la voix, on se dit, bah, quand quelqu'un murmure, il va murmurer, et puis quand il crie, il va crier. Donc on joue sur une fréquence qui est beaucoup plus large, beaucoup plus dynamique et variée que la fréquence hertzienne qui est déjà à l'époque compressée. C'est peut-être un peu technique, je m'excuse, mais c'est une philosophie. Expliqué. C'est une philosophie de la voix, c'est une philosophie de la vie, du réel, voilà. Au début, comment vous faites connaître surtout ce site internet? Personne ne le connaît. Au début, on est victime. Bah, il y a un effet de mode. On est les premiers. Voilà, ça n'existe pas. Au début, personne ne comprend. Au début, je vous dis, personne n'a Internet chez soi ou très peu de gens. Donc, on fait ce qu'on peut. Puis, au fur et à mesure du temps, effectivement, on touche enfin le fond de la misère. Sylvain Gire, je voulais savoir aussi. Depuis donc 2002, là ça va faire 15 ans, hein, vous fêtez en fait cette année les 15 ans d'Arte Radio. Donc comme vous disiez, la ligne éditoriale n'a pas changé, mais comment ne pas traiter deux fois le même sujet? C'est un vrai souci. Et surtout qu'en plus, je suis le seul disque dur qui est tout dans la tête des plus de 2000 sujets qu'on a traités. C'est surtout ce qui est dommage, c'est quand on l'a traité une fois et pas très bien. Vous avez loupé le coche, quoi. Ouais, on l'a traité, le sujet était bon, mais le projet radio est pas extraordinaire. Moi, en général, j'aime tous mes enfants, mais là, force est de constater qu'il y a des sujets moins bons que d'autres. Bon, bah, je sais pas. J'évite de refaire deux fois la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a des thématiques, il y a des choses qui reviennent souvent. Il y a des tendances dans le documentaire radio, comme dans le documentaire en général. Ça suit l'actualité? Non, alors nous, on suit très peu l'actualité, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec des archives, on peut les ressortir et parfois les remettre en avant. Non, on n'est pas du tout une radio d'info, comme vous avez dit, c'est du reportage, du témoignage, du documentaire, parfois des fictions, quelques créations, quelques chroniques, des rendez-vous réguliers maintenant. Ce qui a changé, c'est l'écriture. Et je pense que ça n'est pas spécifique à la radio, ça n'est pas spécifique au podcast. On est évidemment dans une société de plus en plus individualiste et narcissique, et on peut le déplorer à juste titre. Reste qu'on fait maintenant beaucoup plus confiance à une parole qui dit « je » qu'à une parole qui se prétendrait objective. En école de journalisme, on vous apprend à jamais dire « je ». Sauf qu'on voit bien que désormais, quand on vous dit « il s'est passé telle chose à tel endroit en Syrie », eh bien les gens n'y croient pas. C'est tout de suite la théorie du complot, la mise en doute de ce qu'on appelle les médias dominants. Alors curieusement, quelqu'un qui dit « je » et qui s'engage dans sa voix, dans son corps, dans son écriture, dans sa sensibilité, dans son humour, paraît plus crédible. Et donc on a vu un retour du grand récit journalistique à la première personne. On a vu ça à travers une revue comme 21, là, qui fait son festival, d'ailleurs, ce week-end à Autun, où Arte Radio sera présente. On a vu ça en bande dessinée, notamment avec le très beau travail de l'éditeur L'Association, donc toutes les bandes dessinées à la première personne, Marjane Satrapi, Persepolis, tout ça. Mais on en sait plus sur la révolution iranienne à travers Persepolis que peut-être à travers des... Voilà. Et je pense que ce qui se passe avec la radio, avec le podcast, c'est la même chose. C'est pour ça que maintenant, on entend beaucoup de paroles intimes et personnelles, mais portées par un « je ». Et je sens, et pour moi, la vocation d'Arte Radio, c'était d'offrir cet outil-là. C'était de dire, Finalement, la radio, c'est comme la poésie, c'est comme le journalisme, c'est comme le théâtre, c'est comme la BD, c'est un moyen de s'exprimer. Et quand on est assez juste, assez sincère, assez profond par rapport à sa propre intimité, à son parcours, on touche aussi à de l'universel. Donc on sort de la dimension purement narcissique du moi-je ou de la jérémiade, et peut-être qu'on peut toucher d'autres gens. Donc, y compris ceux qui ne se sentent pas concernés à la base. Il faut incarner. Je crois. Ouais. Et donc ça concerne un petit peu plus l'auditeur, au final on le concerne plus, on le touche plus aujourd'hui. Bah, le grand succès là, de cette fin de saison sur Arte Radio, c'est Coming In de Élodie Font, que vous avez reçu dans votre émission. Et Élodie Font, ça dure à peu près 28 minutes, et elle raconte tout le cheminement qu'elle a mis à s'accepter. Alors il se trouve que c'est le cheminement qu'elle a mis à s'accepter comme homosexuelle, à se reconnaître comme homosexuelle. C'est-à-dire qu'en gros, elle dit, c'est pas tant le coming out, c'est-à-dire de le dire aux autres qui est difficile, c'est le coming in, c'est de se le dire à soi. Eh bien, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, parce que désormais, ce qu'on fait, ça passe aussi par les réseaux sociaux, eh bien, on a plein de commentaires d'hétéros, hommes ou femmes, qui disent « j'ai adoré, ça m'a fait pleurer et je me suis reconnu ». Donc, c'est bien qu'on n'est pas dans une parole communautaire ou narcissique de « moi, l'homosexuel qui va vous raconter ma vie ». C'est comment c'est difficile d'accepter d'être soi. Comment c'est difficile de devenir ce qu'on est. Et ça, c'est une parole qui touche au-delà de la communauté. Et je conseille vraiment les auditeurs d'écouter ce reportage d'Élodie Font qui est magnifique. Sylvain Gir, c'est le moment de la seconde pause musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi en deuxième pause? Quelque chose de beaucoup plus connu. J'ai vu ce matin qu'ils étaient partout. Ils sont repris dans des pubs, dans des bandes annonces. J'ai honte. Mais c'est tant quand mieux même pour eux. Un très beau travail. C'est un duo électro-français de Dijon qui s'appelle The Blaze, donc, qui va devenir de plus en plus à la mode. Et j'ai choisi cette musique parce que bizarrement, c'est une musique que, comme beaucoup de gens, j'ai connue par leurs clips. Ils font des clips vidéo extraordinaires, d'une très grande maîtrise cinématographique. Je conseille à tout le monde de regarder les clips du duo The Blaze et à Territory, qui a eu un très gros succès. Mais moi, c'est la chanson d'avant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Viril. The Blaze, avec le titre Viril dans la mécanique des ondes. C'est le deuxième choix musical de Sylvain Gir. Et vous êtes toujours sur Fréquence Protestante, je vous le confirme, avec oui, oui. Ce morceau un peu électro, un petit peu... Ah, j'aime bien, moi. Ah, c'est très beau, c'est très mélancolique, et je vous conseille vraiment les clips, la mise en image de ces morceaux, qui est vraiment somptueuse. Alors, Sylvain Gir, vous avez fait, aujourd'hui, vous me l'avez dit hors antenne, vous allez me le redire bien fort, vous avez fait la meilleure année en taux d'écoute, je suppose, pour Arte Radio, c'était cette année, 2016-2017. Ouais, c'est avant tout, je crois, en qualité artistique, mais enfin, il était temps, après 15 ans quand même, qu'on fasse quelques bons trucs. Non, cette année, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de grandes séries qui sont arrivés à terme. Il y a eu Les Braqueurs de Pascal Pascariello, une série en 11 épisodes de 15 minutes où trois braqueurs, trois très grands braqueurs racontent leur vie avec une grande force, une grande philosophie. Ce sont des destins, c'est des aventures humaines. Il n'y a pas, j'espère, pas trop de complaisance par rapport au grand banditisme, au contraire même. Mais enfin, ils racontent comme on n'a jamais entendu raconter qu'est-ce que c'est que la vie d'un braqueur, comment on attaque un fourgon, comment on se cache, comment on vit dans les marges, le désir qui naît après, le désir sexuel qui s'impose après un braquage réussi. Enfin, trois histoires très très fortes. Très bien réalisé par Sarah Monimar, ça a été un très gros succès. Il y a eu Coming In d'Élodie Font, dont on a parlé. Il y a eu Deux Guerres en Fils de François Perrache et Sabine Zovighian, qui est une fiction, là, pour le coup, mais une fiction documentaire, qui relie des événements de la guerre d'Algérie aux événements du 13 novembre 2015 à Paris. Donc, une réflexion pareille sur la petite histoire et la grande histoire. Comment notre parcours personnel peut épouser une certaine histoire de France refoulée. Un sujet délicat. Un sujet très délicat et superbement traité avec vraiment beaucoup de goût, beaucoup de dignité, pas du tout d'emphase, même de l'humour, ce qui paraît curieux vu la thématique. Il y a eu comme ça, il y a eu des petites choses très drôles. Il y a eu Hélas et le drame de Victoire Tuaillon, un petit reportage de 9 minutes qui s'attaque à la question qui préoccupe tous les Français et tous nos auditeurs. Pourquoi les journaux télévisés parlent-ils comme ça? Et donc, en 9 minutes, Victoire Tuaillon, à la première personne, fait donc un montage très très drôle de ce ton, cette intonation bizarre des reportages de JT, et elle va interviewer son ancien rédacteur en chef, le rédacteur en chef du JT de France 2, qui nous révèle pourquoi on parle comme ça. Et c'est très très drôle, et alors évidemment les journalistes se sont rués là-dessus, les jeunes journalistes comme les vieux, et donc c'est un son qui a énormément circulé et qui a aidé à nous faire connaître. Donc il y a eu comme ça un peu une suite de succès, j'en oublie plein, mais... Donc ça a été une très bonne saison artistiquement, et du coup, effectivement, l'audience a augmenté. Alors vous êtes à combien d'écoutes en général ? On est en général à 300 000 écoutes mensuelles. De ce que je peux comptabiliser, parce que le web est un univers extrêmement mystérieux, parce qu'il y a des écoutes sur le site, mais il y a les podcasts, il y a le podcast d'iTunes, il y a tout ça, et là je vous avoue que là, on se perd, donc on demande, on dit, mais alors c'est combien, mais on vous dit un chiffre, puis le mois d'après on vous dit, ah non mais en fait c'est pas ça, on s'est planté, on avait oublié de taguer la page, donc très honnêtement, je le dis aux auditeurs, quand vous entendez parler, quand des gens du web vous donnent leur fréquentation, ils mentent, et moi qui ne mens jamais... qui suis, n'est-ce pas, d'une sincérité absolue. Je vous dis donc 300 000, mais j'en sais rien. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est beaucoup plus. On va dire ça, juste. C'est quoi les sujets de l'année prochaine d'Arte Radio, si vous pouvez nous en révéler quelques-uns? Il y a plein de belles choses. Il va y avoir plusieurs grandes séries, une série qui va s'appeler Romanesque. C'est le directeur du Cirque Tzigan Romanes, Alexandre Romanes, qui est quelqu'un qu'on entend déjà pas mal dans les médias. Sauf que là, il prend le rôle du conteur et il nous raconte sa vie. Et c'est pareil, lui aussi, on ne sait pas s'il dit la vérité ou pas. Mais sa fiction est plus belle que la vérité. Et c'est comme finalement des contes Tzigan contemporains qui nous emmènent d'histoires d'enlèvement d'enfants, sauf que c'est des gitans qui s'enlèvent les enfants entre eux, des histoires de prison, de mariage, de fanfare. Il va y avoir beaucoup plus de rendez-vous réguliers de ce qu'on appelle désormais les podcasts, c'est-à-dire les émissions qui reviendront souvent. Donc l'émission le Mike et l'Enclume sur le rap tous les mois, mais aussi une émission de Claire Fégreux et Élodie Font sur sans doute un point de vue féministe sur la culture. Alors elle a pas encore de titre, je sais pas si on peut dire le titre de travail à l'antenne. Ah bah ça c'est vous le patron. Hein. Ça s'appelle Miko's the Night pour le moment, voilà. Donc je crois qu'elles étaient en train de travailler travaillé très très récemment dessus selon mes propres sources. Oui, oui, il va falloir qu'elle bosse un petit peu cet été quand même. J'aime beaucoup ce titre-là. Et puis, on va avoir un podcast régulier aussi sur les liens du son et du désir, du sexe et du son, qui va être fait par Maya Mazorette, qui est une très belle chroniqueuse qui vit à Brooklyn, mais qui va travailler avec nous. On a aussi des gros documentaires, une belle série documentaire sur un retour en banlieue 12 ans après. C'est Delphine Saltel qui a démarré Arte Radio, puis qui travaille beaucoup au pied sur terre sur France Culture. Il se trouve qu'elle a été prof en banlieue parisienne à Meaux, et elle a beaucoup enregistré ses élèves en 2003, 2004, 2005. Elle enregistrait ses élèves, elle en faisait des reportages et des documentaires pour Arte Radio. Eh bien, 12, 15 ans après, elle revient, elle fait écouter à ses anciens élèves la voix quand ils avaient 12-14 ans, et elle les interroge sur où ils en sont maintenant. Et c'est extraordinaire, c'est à la fois parfois complètement déprimant, parfois plein d'espoir, parce que tout existe, tous les trajets existent, donc il y a des gens qui sont enfoncés dans la spirale de la délinquance et du mal-être, et puis il y en a d'autres qui s'en sortent. Et puis, mais enfin, il y a pas mal de questions qu'on affronte du coup de plein fouet, et puis on a ce miracle de la radio de pouvoir entendre une voix d'enfant qui en est, de quelqu'un qui s'écoute. J'adore écouter les gens qui écoutent aussi quelque chose, et la radio permet ce miracle comme ça d'abolir tout d'un coup le temps. On superpose la voix de quelqu'un 15 ans avant et sa voix maintenant, et pour l'auditeur tout est perceptible. C'est quelque chose que l'image ne peut pas faire, par exemple. À part une très bonne année pour Arte Radio, cette année 2016, cette saison 2016-2017, ça a été aussi l'année des podcasts. On dit que 2017, ce sera l'année du podcast, en tout cas. Mmh. Vous avez vu naître, vous, de votre haut piédestal, Sylvain Gire, vous avez vu naître Boxon, Binge Audio. Mmh. Effectivement, vous avez vu aussi depuis un petit bout de temps les podcasts de Slate. Moi, j'ai envie de savoir, vous êtes allé écouter tout ce qui se fait, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu, de toute façon. Il y a de la place pour tout le monde. J'ai un nouveau slogan. Plus il y a de pizzeria dans la rue, plus les gens écoutent des podcasts. Ou quelque chose comme ça. C'est vrai que pour faire cela depuis 15 ans, déjà, j'étais quand même admiratif de voir l'ensemble des médias disant « Le podcast arrive en France parce que Slate en a créé un ». Bon, c'est les aléas du système médiatique français. C'est formidable, il y a de la place pour tout le monde, plus les gens écoutent, plus les gens fabriquent. Moi, ma vocation, encore une fois, c'est que des jeunes gens s'emparent de l'audio, s'emparent du médium radio pour raconter leur vie, donc je ne peux que me réjouir. Pour être tout à fait franc, on n'est pas exactement dans la même catégorie. C'est vrai que nous, on avait un ADN de radio. Et mes réalisateurs, Arnaud Forest et Samuel Hirsch, sont des réalisateurs qui ont grandi avec la radio. Et donc, on passe beaucoup de temps et beaucoup de soins. Donc, on a des moyens, on est Arte France, on a un financement, on paye les gens, on les paye très bien, et on a du très bon matériel. Donc on soigne la prise de son, on y passe du temps. On passe du temps en montage, on passe du temps en mixage, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Mais vraiment, j'ai beaucoup voyagé, grâce à Arte Radio, j'ai été invité partout, parce qu'on a quand même été les pionniers de la radio sur Internet. Il n'y a pas d'exemple de gens qui passent autant de temps pour fabriquer 5 minutes de son. Donc ce que j'entends dans les podcasts, c'est d'une qualité inégale. Je m'empresse d'ajouter que ça n'est pas forcément un plus pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'au contraire, les auditeurs plébiscitent parfois un côté un peu foutraque, un peu amateur, parce que, encore une fois, c'est une garantie de sincérité, de vérité pour eux. Donc il y a les podcasts enregistrés dans une cuisine avec un son dont je voudrais pas pour me pendre, mais qui plaisent, qui fonctionnent. Donc, voilà, grande est la maison du père. Je peux pas passer sur fréquence protestante sans dire grande est la maison du père à chaque fois. C'est la seule citation de la Bible que je connaisse. Donc, mais voilà, il y a de la place pour tout le monde. On fait pas forcément les mêmes choses. En même temps, on voit bien que ça se recoupe. Vous parliez de Slate, les récits à la première personne, les témoignages de vie et tout. Bon, moi, j'ai le sentiment, disons que la différence d'Arte Radio, c'est qu'on travaille pour être écouté, mais pour être réécouté. On travaille pour les archives du futur. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a chez nous une dimension poétique, une dimension esthétique qui est au-delà du simple sujet. Donc c'est pas de la radio qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre. C'est fait pour être réécouté, pour être analysé. Il y a tout un travail sur le montage, sur la dynamique et tout. Bon, voilà. Mais pour le reste, ça nous bouscule aussi, et c'est très bien. C'est très bien qu'on soit pas dans notre solitude isolée. C'est très bien qu'on sorte d'une certaine façon de faire de la radio et que nous aussi, on se mette à produire plus de ce qu'on va appeler podcast, des rendez-vous réguliers avec des gens qui s'entretiennent assez librement de différents sujets. Voilà. C'est ça, parce que la vraie question aujourd'hui des podcasts, c'est est-ce que c'est des sociétés autonomes de production qui vont refaire et qui vont reproduire les codes radio? Non, c'est clairement pas ça. On le voit bien d'ailleurs. C'est clairement pas ça. Parce que, enfin, alors, le problème, c'est que peut-être que le service public, ou en tout cas les radios, sont assez en retard pour traiter certains aspects de la société française. Quels sont les podcasts qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont émergé cette année? Les podcasts féministes et les podcasts, comme il y en a un sur Arte Radio qui s'appelle Noir is the New Black, qui est fait par une équipe qui fait aussi Le Chip sur une Afrostream et qui normalement va reprendre le titre Le Chip l'an prochain sur Arte Radio. Bon, bah, ce sont de jeunes noirs d'origine antillaise ou africaine et qui portent sur la société un regard assez décontracté, amusé, on va dire afropop, sur une certaine culture afropop. Bon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une semaine où l'actualité ne rencontre pas cette thématique. Mais quand il semblerait que les directeurs, que les responsables de radio, si on leur dit c'est des noirs qui vont parler de leurs conditions de noirs, ils disent « Ah là là, mon Dieu, communautarisme, c'est terrible ». Mais pas du tout, c'est des jeunes gens qui sont pas du tout communautaristes, qui sont pas du tout simplement, il y a des expériences qui sont diverses. Et d'être noir dans la société française, ça n'est pas la même expérience que d'être blanc. Il faut savoir l'entendre, il faut l'accepter, il y a quelque chose à entendre. Et ne serait-ce que parce que ce podcast est sur Arte Radio, il a des auditeurs blancs. Et moi, j'ai tout le temps des témoignages de gens qui me disent « bah, j'ai écouté cette émission, j'ai réalisé des choses que je n'avais jamais voulu entendre ou comprendre ». Voilà, bon, bah, ça c'est une thématique, si vous la proposez à Interoculture, c'est même pas la peine. Donc, le féminisme, les questions queer, les questions de genre, les gens vont vous dire « ah, c'est des trucs de bobos parisiens ». Oui, c'est ce qu'on disait du divorce en 1920, enfin, c'est ce qu'on disait de l'homosexualité en 1920 et du divorce en 1960. En 2017, les questions d'identité ne sont pas des questions de bobos parisiens. C'est des questions qui concernent tout le monde, et y compris les blancs hétérosexuels comme moi. Donc après, moi je suis un bon citoyen républicain universaliste, mais je suis pas stupide au point de ne pas me rendre compte que je vis dans une époque dans laquelle ces questions d'identité, d'appartenance, de genre sont fondamentales et engagent les jeunes gens de 20 ans énormément. Donc je fais une place à ces thématiques. arteradio.com Arte Radio. La mécanique des ondes. Sylvain Gire, l'invité précédent, Philippe Chapeau, le directeur de la publication de la Lettre Pro de la radio, vous pose une question. Bonjour Sylvain, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi. Ça fait quoi d'être pionnier et précurseur du podcast en France et même peut-être aux États-Unis, parce que tu as 10 ans d'avance quand même? Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que le mot podcast apparaît en 2004 aux États-Unis et nous on existe depuis 2002. Ça fait quoi? Ça sera marqué sur ma tombe, on va m'enterrer avec. Le gars qui a eu raison trop tôt. J'aurais dû inventer le hand spinner, je pense, cet été. Ça sera encore plus impressionnant. Non, honnêtement, il y a eu un podcast en 2000 dont personne ne parle, qui s'appelle Le Donjon de Nalbuck. Parce que personne n'en parle parce que c'est fait par des indépendants, pas payés, chez eux. Et en 2000, ils mettaient des MP3 de fiction radio rigolote sur Internet. Personne n'en parle jamais. Donc dès qu'on me donne l'occasion, je leur rends hommage. Les vrais pionniers, c'est eux. Eh bien, ce sera à écouter et à trouver sur Internet très rapidement. Sylvain Gire, le questionnaire rapide, toujours pour terminer cette émission et pour terminer la saison. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Jean Lebrun. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? France Inter. Quelle radio vous réveille le matin? France Culture. Quelle radio vous endort le soir? France Culture. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Non, FIP, pardon. Un endroit où j'écoute toujours la radio, chez moi. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Dans le métro. Le meilleur souvenir de radio pour vous? Le demain matin à Arte Radio avec l'équipe la plus formidable du monde et avec les projets les plus excitants de la saison prochaine. Et le pire souvenir? Aujourd'hui, à Arte Radio, pas avoir eu le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Écrivez-moi. Et bah, donnez votre mail. s-gire@artefrance.fr. Avant de m'écrire, vous allez sur le site arteradio.com et vous lisez un texte qui s'appelle « Comment se faire refuser un projet ?» Voilà, et c'est arrivé à la mécanicienne, donc voilà, je peux vous le dire que c'est très simple, c'est un retour de mail. Et également Arnaud, réalisateur, qui est en train de s'énerver contre la vitre. Ok, bon bah on vous laisse, on vous fait passer un bon été sur Fréquence Protestante. Sylvain Gir, merci beaucoup pour toute cette saison, allez-y. Vous avez pas une question à poser au prochain invité? Ah mais vous allez le faire hors antenne. Excusez-moi, bon. Oh là là, je bouscule le conducteur. Merci Cécile, vive la radio. Et sur quel site on peut vous écouter sur Arte Radio, rappelez-le. arteradio.com.